Prêt pour un peu de nouveauté? C'est la chance au coureur! Bonjour et bienvenue à La Chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à ses fous pendant la semaine. Je m'appelle Mathieu Plante. Et je m'appelle Caroline Cloutier. Bonjour Mathieu. Bonjour Caroline. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va super bien. Quelle belle journée à l'extérieur aujourd'hui. Oui, que j'aime recevoir du sable dans la figure à cause de tout ce vent et de ces restants d'hiver. Et que j'aime faire presque un accident dans le stationnement en arrivant à l'université. Pauvre toi. C'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y avait une entrée de bouchée, donc j'ai dû faire demi-tour et puis, bon, j'étais un peu inattentive et j'ai presque rentré dans une autre auto, mais tout va bien finalement. Ah, mais maintenant, vous connaissez un petit peu plus Caroline. Oui, ben, et vous allez découvrir au cours de l'été, j'imagine, quelques secrets de ma vie privée comme cela. Peut-être lui foncerez-vous dedans à un moment donné cet été. j'espère que non. Ah, mais je vous souhaite de la rencontrer, quand même, mais pas en lui fonçant dedans. Pas en lui donnant vos assurances ou ouais, ben c'est ça. De... On peut se croiser dans la rue, se foncer dedans physiquement, pas en auto. C'est pas le fun. J'en ai déjà fait deux accidents en auto. Mais c'était pas moi la responsable. OK. Tant mieux. Ouais. Bon. On parlera de toi un petit peu plus tard. D'accord. Apprenons à te connaître. Mais nous, par contre, on commence en musique, comme toujours, avec le francophone. Et notre première formation, c'est... Bisbaillé. Avec une pièce qui s'appelle... Pinote, tout de suite à la chance. Ouais. We'll be right back. Ben, on pourrait dire qu'il y en a pour tous les goûts à la chanson coureur. Oui, on passe tout ce qu'on reçoit. Hein. C'est comme ça. C'était Bisbaillé avec la pièce Pinote. On enchaîne avec une deuxième pièce. On leur donne une deuxième chance. Nous, ici, en studio, on n'a pas apprécié particulièrement. Mais on va quand même essayer de leur donner une deuxième chance avec la pièce 55. Exactement. Et on va jouer seulement un extrait parce qu'elle dure 10 minutes. C'est des pièces, comme vous avez vu, très, très longues. C'est du progressivo, mauvaise eau, quelque chose. Mal de tête. C'est ça. 55 de Bisbaillé à la chance. Au coureur. Avec la pièce 55, qui finalement a un peu ressemblé à la pièce qu'on avait entendue précédemment, Pinote. Ouais, musique slash bruit. Ouais. Un peu, mais quand même. Bisbaillé, on va parler un petit peu d'eux. C'est un groupe de Montréal, Québec. Vous pouvez aller voir le myspace.com/Bisbaillé, B-I-S-B-A-Y-E, ou sinon le bisbaillé.com. Parlons, tiens, biographie. Bisbaillé a été formé à Montréal en novembre 2004 par le guitariste et le compositeur Jean-Pierre Larouche. Utilisant les compositions de Larouche comme structure de base, Bisbaillé. Ben, il marque Bisbaillé, et pourtant c'est écrit Bisbaillé partout, mais enfin. Il y a un accent sur le A aussi, je crois pas qu'on le prononce. Bisbaillé. C'est sûrement Bisbaillé, tout court. J'étais en train de dire. Bisbaillé crée une musique instrumentale musclée, résolument métal, au polyphonie complexe qui intègre l'improvisation libre aux masses sonores denses. Bisbaillé brise également le cadre souvent très rigide du métal en y incluant des sections ouvertes, des improvisations collectives et des variations de tempo aléatoires. Une musique à la fois complexe et libre où le matériel sonore est sujet à une recomposition constante. Ils produisent et enregistrent leur premier démo en août 2005, puis ils font leur début sur scène le 19 octobre 2005 à la Casa del Popolo à Montréal. Ils font présentement des concerts dans la région de Montréal et ils sont à la recherche d'une compagnie de disques pour les appuyer dans leur processus de création. leur biographie est quand même très pertinente. Ça reflète bien ce qu'on a entendu, je pense. Ah, ça ressemble particulièrement à ça. D'ailleurs, il manquait des mots dans le texte, donc j'ai dû un petit peu remplir. Ah, c'est bon. C'est vrai, il n'y avait pas d'accent, donc c'était difficile. C'est un peu comme la musique, il manque quelque chose pour moi. Ça, les c'est paroles? Juste mon... Ouais, c'est ça. Mais c'est seulement mon appréciation à moi. Et je l'ai entendu qu'une seule fois, donc je peux pas dire si, peut-être à la longue, c'est habitué. Ouais, j'imagine qu'il y a des gens qui aiment ça, c'est parce que nous, on n'aime pas ça que c'est nécessairement mauvais. Exactement, et on va pas s'empêcher de donner nos opinions non plus sur les choses. Voilà. C'est ce qu'on fait à la chance. Au coureur. Oui. Je complète toujours tes mots. J'aime ça. C'est bon. C'est le fun. On se complète tellement bien, là. Vous êtes à la chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est fou cette semaine. Maintenant, on s'en va entendre. On s'en va entendre Udon Placard, qui est une collaboration entre Carl-Éric Udon et Danny Placard. Ça donne quelque chose d'assez particulier, mais de très bon, évidemment, parce qu'on sait que Carl-Éric Udon est une personne très appréciée dans le domaine de la musique underground québécoise un peu. On s'en va entendre des extraits qu'on n'a pas entendus, évidemment, à l'avance. Donc, en disant que c'est bon, c'est juste une supposition. On l'espère que c'est bon. On l'espère. On s'en va entendre la pièce Repentini, mais on commence par l'intro du disque. Qui s'appelle Punch-In. Ouais, Punch-In. Punch-In. Voilà. Punch-In. Punch-Out, c'est un jeu vidéo. Ben, je pense que c'est la fin aussi de l'album. Super Punch-Out. La fin de l'album. Ben oui, Punch-Out. Ben, je l'avais vu hier. Wow. Pour ça m'a mêlé. Punch-In, Punch-Out, à la c'est chance. Concept, au coureur. Concept, un peu comme nous autres. On est très, très concept. Oui. On fait des liens. Plein de liens. L'album de Udon Placard. Voici la pièce Repentini. À la chance! Au coureur! Ah oui! Et dans ton lit parfois, Jésus couche à côté. Ses cheveux longs et gras s'étendent même sur ta bouche. Et tu ne dis plus rien, le confort de l'étreinte. Une prière sur tes lèvres qui s'élève le matin. La on fait la même chose. Écoutez la musique de demain, aujourd'hui. C'est fou, 89.1. C'était 2h25. Oui, de Carl-Éric Hudon et Danny Placard. La combinaison donne Hudon-Placard à la chance. Au coureur. Ça faisait très estival, ça. Oui, genre plage, bière, été, petit vent, petite brise. Bonheur. Oui, voilà. Carl-Éric Hudon et Danny Placard ont préparé un album au cours des derniers mois qui va paraître le 10 mai prochain. L'album comprend 12 pièces et s'appelle simplement Hudon Placard. Le spectacle de lancement va être au Lion d'or. Les billets sont en vente pour 12 $ sur admission à l'Oblique et chez Atom Art. Je crois que c'est à Montréal. Donc, le lancement de l'album le 10 mai, Lion d'or, Ontario Est, Montréal. On va trouver d'autres informations sur Carl-Éric Hudon et Danny Placard pendant qu'on écoute une autre pièce. Je dis pas une dernière parce que je me dis qu'on pourrait se traiter un peu à une quatrième pièce tantôt. Ouais, c'est bon, hein? Je trouve ça le fun. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre? On s'en va entendre « Ma vie est une cour à scrap ». C'est vrai que c'est bon. C'est très inspirant comme titre. Non, c'est vrai? Ouais. Allons voir. Ah, à la chance! Au courage! On découvre les nouveautés avec vous. Okay. Stéphane Richard et Charles Dubé à la chance aux coureurs. Bienvenue à la chance aux coureurs. On s'en va entendre une autre pièce de Hudon Placard avec Seul sur mon cheval. Ouh, assez fou, 89.1. FM. Placard avec Seul avec mon cheval à la chance. Au coureur. Hudon Placard, parlons un petit peu de ces Hudon Placard. Oui. Ça te tente-tu? Ça me tente, absolument. Ça te tente donc? D'accord. Carl-Éric Hudon Folk Rock de Montréal, Québec, carl-éric-hudon.ca et son site web. Il existe une tête quelque part où les jardins de fleurs poussent dans les appartements en hiver. Il en existe une autre qui se pose sur l'épaule. Il y a la vieille femme ivre qui dort sur les marches en béton du bloc à 1h du matin et l'immigrant italien, le gentil propriétaire qui meurt brûle sur un toit dans Saint-Henri. Brûlé, j'imagine. Je sais pas. Ouais. Difficulté. Et si on saute les étapes, si on néglige une fois de plus tous les gens qu'on aime, il y a quelqu'un qui se lève en retard tous les matins, prend congé et son 4% par la même occasion. On allume la cafetière avec le vieux liquide de la veille et on subit le froid de janvier avec le même défaitisme qu'à tous les jours. C'est son beau petit texte d'introduction, c'est le fun. C'est presque poétique. Ben, c'est très, très poétique tout ce qu'il fait. Hein? T'as écouté tantôt, on a entendu une pièce. Ben, on a entendu en tout 4 pièces de Hudon Placard. Oui. Mais chaque pièce est faite par quelqu'un de différent. Mm-hmm. Au début, on a entendu Repentigny de Carl-Éric Hudon. Donc, c'est lui qui... Pardon. Où il disait là, que Jésus était couché avec lui, avec ses cheveux gras. Oui, je devrais citer même le paragraphe. Oui, ça c'est dit, très impressionnant. Et dans ton lit, parfois, Jésus couche à côté. Ses cheveux longs et gras s'étendent même sur ta bouche. Et tu ne dis plus rien. Le confort de l'étreinte, une prière sur tes lèvres qui s'élève le matin. Repentigny. C'est poétique, mais absurde en même temps. On sait pas trop ce que ça veut dire, mais non. Ça vient de quelque part. Ouais, j'imagine que c'est une inspiration quelconque qui est un matin en se levant. Ah. Ensuite, on a entendu encore une fois Hudon Placard avec 2,25. Ça, c'était une pièce de Danny Placard, Sans parole. Hein? Ensuite, on a entendu Ma vie est une cour à scrap. Ma vie est une cour à scrap qui, elle, est une pièce de Carl-Éric Hudon. Voilà. Ma vie est une cour à scrap. Si tu viens faire un tour, fais attention de ne pas t'enfarger dans la tôle rouillée et les débris de toutes sortes qui traînent à tes pieds, tes jolis pieds que tu pourrais abîmer. Mais non, moi, je ne veux pas. Oh, non, c'est cute, ça. Ça, c'est beau. Oui. Vraiment. Et on a terminé par « Seul avec mon cheval », qui, elle, est une pièce de Danny Placard. « Seul avec mon cheval, je parcours les plaines, je traverse les forêts, les vallées, puis les highways. Seul avec mon cheval. » C'était une influence très western, ça, hein? Oui, ça faisait... L'indépendance sur son cheval avec son gun qui fuit la civilisation. On le voit avec, avec son alcool, sûrement, sur son cheval. Oui, ouais, il parlait de whisky aussi, je pense. Ouais, c'est pas ça. Ensuite, Danny Placard, on a parlé tantôt un petit peu de Carl-Éric Hudon. Danny Placard, il fait dans le folk rock country. Il vient lui aussi de Montréal. Son site web est sur le dannyplacard.com. Il y a plusieurs membres dans son band en temps normal. Si vous voulez plus d'informations, allez voir myspace.com/Danny Placard. Voilà. Et les deux vont être en spectacle, comme je le disais tantôt, au Lion d'Or à Montréal. C'est le 10 mai pour le lancement de l'album. Voilà. Le tour. Et ensuite, on va aller entendre Stéphane Richard, qui est une découverte francophone. On dit que Stéphane Richard, c'est le demi-finaliste au Festival de la chanson de Granby en 2001 et finaliste au Francouverte en 2002 et 2005. Donc, c'est quand même pas rien, même si moi, le nom ne me disait pas grand-chose. Non. Mais c'est quand même impressionnant. Oui, j'imagine. Dans son domaine. Oui, alors il va lancer, on dit le 13 mars prochain, mais je sais pas si c'est une vieille feuille, c'est le 13 mars qui vient de passer ou le prochain. Sûrement une vieille feuille qu'ils nous ont envoyée là, par pitié. Alors, son album qui s'intitule le Mirabella del Madrid. Alors, on va aller entendre une pièce sur cet album. Laquelle, Mathieu? La première, 11 jours sans courrier. Ah, ben, ça me rappelle que ça. J'attends quelque chose par la poste depuis comme 3 semaines. Ça n'a pas d'allure. Je me demande si je vais le recevoir un jour. C'est donc un titre très pertinent. Pour moi, en tout cas. À la chance! Au courage! Ah oui, c'est ça. La vieille nappe fleurie traîne 11 tasses vides, chacune pour un jour ouvrable. Viens à ma table, je t'expliquerai les conserves fétides, les graines de rôti, les noyaux de fruits, les taches de café. Vois-tu ce qu'aujourd'hui, pour moi se termine, pour moi se termine, 11 jours sans courrier, 11 jours sans courrier. Sous un ciel d'ébène, ma vitesse augmente. Je sais que dans mon cœur y a tant de haine. Sans guide ni patrie, me voici sous la corde raide, sous la corde raide. Se mettre l'âme à nu, se faire oublier. jamais facile. Ce n'est jamais facile. Oh non, 11 jours sans courrier. Je foule de ballons les dalles de la grande église. L'urgence de rédemption. Mon cœur se fait que laïque. Je m'en retourne déçu. Un peu plus cynique. Un peu plus cynique. Sur la vieille nappe fleurie. Onze tasses vides, car pour moi se termine 11 jours sans courrier. 11 jours sans courrier. Stéphane Richard et la pièce 11 jours sans courrier de l'album Mirabella del Madrid à la Chanson Coura. Si vous avez des commentaires, si vous n'aimez pas les pièces qui jouent à notre émission, vous toujours nous appeler. Ben oui, on a un numéro de téléphone, une hotline. Une hotline. Faites juste pour ça. Oui, qui est le 819-376-5183. Ah oui, c'est un bon numéro. Et on va aller entendre une autre pièce de Stéphane Richard qui s'appelle La fosse des Mariannes. Tout de suite, à la chance. Au coureur. Encore une fois, 819-376-5183. Ce triste monde, Marianne, jolie Marianne, tu es si belle dans la pénombre. Où les ondes radio ne passent plus, dans ces flots où tu t'allonges, toi tu m'attires, moi je m'enfonce. Le vent soufflait aussi fort que la lune était mauvaise. Le soir où je me suis surpris à rêver de toi, j'ai dit, si je me lance, si je te suis, sauras-tu mettre un terme, mettre un terme la plus longue de mes dérives. C'est des millions de livres. Je glisse comme l'anguille. Je glisse jusqu'à toi, Marianne. Tout cette structure d'acier pleine de rouille, ce royaume bleu sous les remous. T'as pas idée de ce que ça me fait quand je t'embrasse, Marianne. Je t'embrasse, Marianne. Comme ces odeurs me caressent, comme tout ce bleu me rassure. J'avais l'âme en détresse, ma belle. J'avais soif de cyanure. Au fond de l'onde, tu m'as souri. À moi, le vent du pied sur une poutre rouillée. Sur une poutre rouillée, à plus de 100 mètres au-dessus de la rive. Sous des milliers de navires, sous des millions de litres, je glisse comme l'anguille, je glisse jusqu'à toi, Marianne. De cette structure d'acier, pleine de rouille, de ce que ça me fait quand je t'embrasse, Marianne. Quand je t'embrasse, Marianne. De navires, sous des millions de litres, je glisse comme l'anguille, je glisse jusqu'à toi, Marianne. Oh, Marianne, de cette destruction d'acier, pleine de rouille, à ce royaume bleu, sous le remous, t'as pas idée de ce que ça me fait quand je t'embrasse, Marianne. Richard avec la fosse aux Marianne. Mmh. Ça sonne un rock détente, tu trouves pas? Oui, ben oui, on se croirait à l'émission du matin, là. Ouais, mais j'ai l'impression que ça va passer éventuellement à rock détente. Peut-être, ça doit être ça. Et donc, la fosse des Marianne de Stéphane Richard, Mirabella del Madrid est le nom de l'album. Oui, voilà. Alors je vous rappelle qu'on est à la chanson courante, on est en direct en ce vendredi matin, 10h45. Et 2 secondes, 3 secondes. 4 secondes, 5 secondes. Si vous voulez nous téléphoner en studio, encore une fois, le numéro de téléphone est le 819-376-5183. On est maintenant en rediffusion deux fois par semaine, les samedis et les mardis de 14h à 17h. Donc, soyez là. Oui, soyez là, écoutez-nous et découvrez avec nous les nouveautés musicales. Avec nous, ben oui, parce qu'on les écoute pas d'avance. C'est le concept de l'émission. On les reçoit, le francophone, l'anglophone, le canadien, l'heavy metal. On reçoit tout ça par camion à chaque semaine, assez fou. Et nous, on les trie. Par camion? Camions, des camions et des camions de nouveautés à chaque semaine. Oh, c'est ah, c'est fun! Et on les épluche comme ça, comme des oignons. Oui, alors aujourd'hui, on a les oignons qu'on a sélectionnés. C'est ça. Celui et on aime ou on n'aime pas. Celui qu'on vient d'entendre nous a presque fait pleurer. Dans le mauvais sens. Enfin! C'est un très bon jeu de mots. Stéphane Richard, maintenant on passe à Charles Dubé, Caroline. Oui, alors Charles Dubé, on dit que c'est un homme de son temps, un homme sensuel, un homme sensible. Oh. On dit « Sa sensibilité d'artiste s'incarne avec intelligence pour nommer la nature, celle de la terre et celle de l'humain, dans ce qu'il y a de plus fragile, leur entière et complexe beauté. Hey, » on a presque des chaleurs en studio, là. Ouf! Alors, on dit les influences de Charles Dubé, bon, il est émis par Desjardins, se dit quelque part entre Bob Dylan et Manu Chao. Oh, OK. Qui, ouais, on va voir ce que ça va donner. Un drôle de mélange. Ouais, et on dit que, bon, on reconnaît un peu dans sa musique du Félix, du Piché et du Bélanger. Hmm. Voyons ce que ça va donner. On parle bien de des bonnes personnes, on parle pas de Georgette Bélanger. De... Non, de Daniel Bélanger, de Paul Piché. OK. Ben, en fait, j'espère, à moins que ce soit sa voisine Georgette Bélanger. On s'en va entendre la pièce Être bien de Charles Dubé. Oui, sur son album Sortir de soi qui va sortir en magasin le 8 mai 2007. À la chance! Au courant. Assez fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Yeah. est percé, une éclaircie, la vie. Et sortir de n'est plus aujourd'hui dans ma vie, mais c'est percé, une éclaircie, la vie. Voilà, il y a pour moi comme une joie, comme une espérance, comme si je creusais pour la première fois, comme une ligne. Le chemin, le sillage dans ce monde, il y a en soi plus rien qui ne me déçoit. Libre d'être heureux, libre d'être ce que je veux pour vivre et respirer, tenir toute mon enfance, porter l'élan de ma cadence. Les cadences, les cadences. Et tout l'espace entre mon cœur et les étoiles, et les étoiles, et les étoiles, et sortir de ne plus aujourd'hui dans ma vie, laisser percer une éclaircie, et sortir de ne plus aujourd'hui dans ma vie, laisser percer une éclaircie, la vie. Et quand je crois en toi et que ça me permet d'être moi, de croire enfin en ce que je suis pour vivre et respirer, tenir toute mon enfance, porter l'élan de ma cadence. Et cadence, et cadence, cadence, cadence. Tout l'espace entre mon cœur et les étoiles, et les étoiles. Vois-tu tomber et sauras-tu me retenir? M'entends-tu crier et sauras-tu me libérer? M'entends-tu pleurer et sauras-tu me consoler? Me consoler. Et tout l'espace entre mon cœur et les étoiles, entre ma proue et ton ciel, et mon amour est éternel. Tes yeux semblent comme le ciel et mon amour est éternel. Tes yeux semblent comme le ciel et mon amour est éternel. Une chance que je respecte assez notre public pour vous laisser entendre la pièce au complet. J'ai failli la couper. Oui, t'as failli la couper, mais non, je me suis dit, pour le monde qui aime ça, et par respect par Charles Dubé quand même. Oui, quand même, non, c'est ça. Faut pas, ça y enlève pas rien en tant que personne. Ça reste un bon Jack. Mais c'est juste pas dans nos goûts musicaux à nous. C'est pas grave. Caroline se demandait c'était quoi les paroles à la fin. Je vais vous citer ça. T'es tout l'espace entre mon cœur, d'accord? Tu es tout l'espace entre mon cœur et les étoiles. Entre ma proue et ton rivage. Et ton rivage et ton rivage. Ben c'est ça, je me demandais. Je trouvais ça drôle, le mot proue. Ouais. C'est pas un mot qu'on entend souvent. Entre ma proue et ton rivage. C'est drôle. Donc, Charles Dubé, l'album s'appelle Sortir de soi et les deux pièces qu'on a entendues, c'était Cadence et encore, Être bien au début du bloc. Voilà pour Charles Dubé. Maintenant, on passe à un Français. Il a un nom très, très viril. Faflarage, si vous ne connaissez pas, là, c'est un rappeur français, d'accord? Hein? Bon, ça commence bien. Oui. C'est ça. c'est lui qui, en France, fait la chanson thème de Prison Break, la série américaine La Grande Évasion, qu'on la connaît au Québec. Ouais. En France, il a refait le thème et puis c'est lui qui chante. Et puis, on avait reçu un single de lui il y a quelques semaines. Maintenant, on va l'entendre une pièce dans son album complet qui s'appelle Rap Stories. Hein? C'est clair. C'est super bon, là. T'sais. Ben, je sais pas, j'ai pas entendu. Non, c'était du sarcasme. Je ne veux pas juger avant de l'avoir entendu. On lui donne une pièce, d'accord? OK. Voici Millionnaire de Faflarage à la chance. Au courant. Ah, c'est fou, 89.1 FM, la radio Campus de Trois-Rivières. On veut tous être millionnaires. Et tu sais, on veut tous être millionnaires. Péter d'une, demande autour de toi si j'exagère. On veut tous être millionnaires. On veut tous être millionnaires. On veut tous être millionnaires. Rien à foutre de leurs lois et de leurs commentaires. On veut tous être millionnaires, yeah, yeah. On veut tous l'être. On veut tous être millionnaires. Péter thunes, demande autour de toi si j'exagère. Rien à foutre de leurs lois et de leurs commentaires. On veut croquer nous aussi, sans jouer les faussaires. Pourquoi tu crois que les mômes kiffent les gangsters? C'est là pas du cash, pas de mystère. Rectifie, j'ai dit quoi, millionnaire? Mais s'il y a moyen, on est partant pour milliardaire. Fuck l'enfer, t'es pauvre si t'as souffert. Pète sa gueule à un diamantaire. Baiser les instances judiciaires. Arroser le repas de liasse pour dessert. On veut tous être millionnaires. Péter thunes, demande autour de toi si j'exagère. On veut tous être millionnaires, yeah, yeah. On veut tous l'être. On veut tous être millionnaires. On veut tous être millionnaires. Rien à foutre de leurs lois et de leurs commentaires. On veut tous être millionnaires, yeah, yeah. On veut tous l'être. Eh ouais, faut consommer, faut faire rêver ces filles à la télé. Ça fait des jeunes qui veulent se prendre pour des célébrités. Sans moyens, c'est chaud, eh. Va leur expliquer qu'il y a un taux d'échec trop élevé. C'est les mentalités, tout gratis. M'enfler, me renflouer, manger comme un assis. M'en vais m'acheter un Gauguin ou un Matisse. M'en fous, j'y piche rien, c'est tout pour le kiff. Nous en veut pas, on veut faire du chiffre. Mettre une chiffre au gâteau de riche et faire du bénéfice. Millionnaire, ouais, ça sonne sa mère. Même Bronson ou Spielberg m'envirait trop vénère. On veut tous l'être, les jeunes, les vieux et les vieilles savent plus se mettre. Y'a trop de galères, y'a plus de révolutionnaires. Les mercenaires veulent pas être un pensionnaire, mais le taulier qui gère la paix. On veut tous être millionnaire. Péter thunes, demande autour de toi si j'exagère. On veut tous être millionnaire, yeah, yeah. On veut tous l'être. On veut tous être millionnaires. On veut tous être millionnaires. Rien à foutre de leurs lois et de leurs commentaires. On veut tous être millionnaires, yeah, yeah. On veut tous l'être. Si tu les gênes, certains n'hésitent pas à couper les têtes. Souris iront en enfer mais en jet. Et faut pas oublier que ce monde veut nous bouffer. Prêt à nous liquider si t'as pas de billets. Alors comment on fait, mère? Eux les millionnaires ils se font jamais mettre. Foutre le dawa et les regarder se taire. Arroser les assos humanitaires. Y'en a qui vendent des armes, y'en a qui vendent de l'herbe. Y'en a qui vendent leur chair, y'en a qui tuent pour l'héritage du grand-père. C'est combine, non pas mon style. Mais fais-moi péter un loto, ça j'y serais pas hostile. Fini les humiliations, les comptes en banque vide. Banco, la roue tourne, dis-nous où on signe. Pour mettre la famille à l'abri pendant plusieurs générations, tu me suis? Et on veut faire les mécènes sans que ça nous coûte un copec. On veut tous rendre nos rêves réels. Pour ça y'a trop de volontaires. Et alors on se crève à la tâche. On veut jouer mais pas perdre. On veut tous être millionnaires. Péter thunes, demande autour de toi si j'exagère. On veut tous être millionnaires, yeah, yeah. On veut tous l'être. On veut tous être millionnaires. On veut tous être millionnaires. Rien à foutre de leurs lois et de leurs commentaires. On veut tous être millionnaires. Ouais, ouais. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Vous êtes à la chance au courant, yo. Yo, yo. Yeah. Assez fou, yo, yo. Yo, yo. 89 FM dans le dash. Yo, yo. Pop la rase. Millionnaire. T'as une théorie là-dessus, toi, tu dis qu'on veut pas tous être millionnaire, dans le fond. Ben non, mais avoir de l'argent, c'est bien. Mais être millionnaire, moi, je voyais ça, là. Tu roules en char de pimp avec les roues qui tournent tout seul, avec des montres en or. Je sais pas, moi. Non, ça t'attire pas du tout, ça. Non. Non. Faf la rage, l'album s'appelle Rap Stories et la pièce c'était Millionnaire de son tout nouvel album, comme ça. Hein, Faf la rage. Artiste de rap français, c'est tout ce que vous avez à savoir là-dessus. Ben, c'est déjà bien. Plus tard dans l'émission, encore un petit peu de rap. Hein? Ouais, on a reçu, on a entre trois autres, albums, je pense, de rap. Ouais, on les passera peut-être pas les trois. Ben non, on en a trois. On a reçu The Raw Luck Movement, Mocha Only avec Vermillion et Hood to Ville. Hein? Hood to Ville. Hood to Ville. Donc ça va être plus tard dans Chanson Coura. D'ici là, par contre, d'ici à la fin de l'émission, on a tout plein de choses pour vous, dont une entrevue avec Pascal Picard. Oui. C'est tellement bon. Et évidemment, des pièces de son nouvel album, Me, Myself and Us. Et on va aussi entendre les sélections de cette semaine de la part de Caroline, qui nous a écouté des affaires. Là. Oui, je vous ai écouté deux CD, le nouveau de Maximo Park, ainsi que le deuxième album solo de Nicolas Sarcevic. Sarcevic. Je ne sais pas comment le dire, c'est suédois. Mais bon, c'est l'ancien chanteur de Mylène Collin, vous connaissez sûrement. Alors, on va vous parler de ça un petit peu plus tard dans l'émission. À la chance! Au revoir! We'll be right back. Bon retour, c'est la deuxième heure de la chanson au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues assez fou pendant la semaine. Son nom est Caroline Cloutier. Salut! Salut! Et le mien? Le tien? C'est quoi déjà? Attends un peu, Mathieu Plante! Ah oui, je me rappelle maintenant. Ah ben ouais! C'est comme un genre de lapsus. C'est un nom qui te va bien, je pense. Ah ben merci, toi aussi. C'est... Ouais, hein? Yeah. Vraiment, là, t'as l'air d'une Caroline, ça. Ouais, t'as l'air d'un Mathieu. Ah ben cool. Excellent. Hey, tu sais-tu quoi? Ouais. Ça me tente d'aller entendre ce que tu as écouté pour nous cette semaine. Oui, j'ai écouté, comme je vous disais, du Nicolas Sarcevic. On sait pas trop, c'est un Suédois. Mais, à part le fait qu'il y a un nom drôle, son album, j'ai trouvé ça très bon. Son album s'appelle Roll, Roll and Flip, qui est paru le 24 avril 2007, qui est là, près une c'est semaine très récent, et demie. Oui, c'est très récent. C'est paru sur Burning Heart Records. Mm. Et puis... c'était très intéressant parce que, comme je disais, c'est l'ancien chanteur de Millen Collins, donc un groupe un peu skate-punk, si on veut. Il y avait la voix pour ça, la voix un peu rauque, mais il chante des chansons qui sont plus douces, plus folk-rock, pop, été, comme on va entendre dans la prochaine. Mm-hmm. Au début, c'est surprenant, c'est comme, il n'y a pas la voix pour chanter ça, mais je trouve ça très mignon. Alors, moi, j'ai bien aimé. Il dit qu'il s'inspire des rythmes de Bad Religion et qu'il puise ses origines dans la musique des années 60, dont Bob Dylan et Simon & Garfunkel. Mm. C'est un drôle de mélange. Mais vous allez voir, dans la prochaine, on va entendre un peu de trompette. Et comment s'appelle cette pièce? Elle s'appelle Let Me In. De Nicolas Sarcevic. À la chance! Au coureur! Let me out. Good girl, let me out. Good girl, let me out of the gray city concrete so cold, where everybody's got something to sell. Let me out from this place where the young seem too old, and everybody's crawling into their shell. Let me out. Let me in. Good girl, let me in. Good girl, let me into a world where the hate's running dry and there's more common sense in the air. Let me into a place where there's no help to lie and where benefits come if you share. Let me in. Let me out, good girl, let me out. Good girl, let me out of the bar where there's too much to drink and nobody knows who they are. Let me out of the streets where my confidence shrank into doubt and a heartache and scar. Oh, let me out. Let me in. vient d'entendre Nicolas Starcevich avec Let Me In, qui est la pièce 3 de son album Roll, Roll and Flee. La prononciation a changé jusqu'à maintenant à chaque fois qu'on l'a dit. Ouais, ben, on va le reconnaître. On pourrait l'appeler Nick, comme oui. Tu disais tantôt. Nicky Nick, Boy. Si, ouais. Ou ben, Nicolas. Ou La, La. Ouais, écrit N-I-K-O-L-A. C'est l'écriture suédoise, j'imagine. Et puis, pour bien refléter son image suédoise sur la pochette de l'album, il y a un gros manteau de poils. C'est très drôle. Hey, une petite barbe. Tantôt, je t'ai coupé. Oui, ben, mais c'est pas grave, parce que j'avais encore des choses à dire sur Nicolas Starcevich. Je me sens mal de t'avoir coupé comme ça. Où sont mes manières? Ben, c'est pas très grave. Mais en fait, je voulais juste rajouter que je trouvais que c'est un album qui s'écoutait très bien. Donc, on va l'entendre une deuxième pièce. Enfin, peut-être une troisième, même, si on a le temps. Mm-hmm. On change de style. Oui, voilà. C'est pour vous montrer, dans le fond, que l'album, il y a quand même un style qui se tient tout au long de l'album, du début à la fin. Mais il y a des tunes qui changent. Je suis comme là, on va attendre une balade qui est plus country, on dirait. On va attendre de l'harmonica dans la pièce. Puis je trouve que c'est super intéressant parce que ça a comme un côté justement comme vu tout au long de l'album. Des fois c'est plus joyeux, des fois c'est plus triste ou tout ça. Je trouve ça bon. C'est comme la vie. Ouais. C'est ça? Les hauts et les bas de la vie de Nicolas Starcevich. Oh, wow. Starcevich cette fois-ci? Ouais, bah ça va changer, c'est pas grave. C'est ça. Nicolas S. Ouais, voilà. Point. Donc c'est ça. Donc juste finir en disant que les critiques sont généralement d'accord avec moi en disant que c'est un album qui s'écoute très bien, autant les ballades que les chansons plus énergiques. Voilà. Est-ce qu'on est prêt à aller entendre la pièce? T'es pressé? Non. Bon, ben mais oui, on est prêt. Alors, d'accord. On va aller entendre Horse Bay Blues de son album toujours Roll, Roll and Flee. À l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est fou pendant la semaine. C'est la chance. Au courant. Ça... Never seems as black as your eyes. Always trying to pull out that thorn that's somehow stuck into our sides. You nurse the dead and everything infected. I scratch my head, I really need perspective on how we live and everything around us. And you forgive me, love. Just like just like a mystery beyond our grasp. We did the crime when we got together. We're doing time, looks like we're stuck forever. In our universe of time, stress and money, it could be worse, honey. Alors, vous écoutez toujours La Chance au Coureur. On vient d'entendre une autre chanson de Nicolas Sarchevitch. Et de 7. Je pensais qu'elle était plus balade que ça, finalement. Ouais, c'était pas très balade. Hein? Peut-être que je me suis trompée, mais en tout cas, c'est pas grave. C'était quand même très bon et très représentatif de l'album, de toute façon. C'était donc, Horse Bay Blues. Horse Bay Blues, mm-hmm. Ouais. Est-ce qu'on va entendre une troisième pièce? Oui. Moi, je dirais la première, From Where I'm Standing. Tout de suite, à La Chance. Au Coureur. Oh, ouais. How lucky are you on a scale? Where the saddest mind to inhale? You looking kind of pale while I'm standing. Do you like the taste of your own tail? How bitter are you when you fail? You looking kind of pale from where I'm standing. No need to pass out stricture when the actor is unknown. No need to paint a picture for we have to show. From Where I'm Standing de Nicolas Sarchevitch. 8, 9, 10. Le nombre de fois qu'on a prononcé le nom différemment. Ouais, c'est pas grave. Nicolas, bon, comme on l'appelle, Nick. Nick, voilà. Alors, Nick qui nous a présenté son album, je le répète encore, Roll, Roll and Flee, qui est sorti en magasin le 24 avril 2007, que j'ai bien aimé d'ailleurs. Alors, si vous avez le goût d'un petit album qui s'écoute bien, léger, été, folk, pop, comme vous voulez. C'est très excellent, moi, je trouve. Ben oui. Moi aussi, j'ai bien aimé. Je trouvais que ça avait des tendances pas mal... comment dire? Le fun. Ouais. C'était beau, hein? Et puis, je sais pas si vous avez remarqué, dans la dernière pièce, on avait comme un petit solo de guitare country. Ouais, je trouve ça très bien. Alors, on va entendre ma deuxième nouveauté musicale que j'ai écoutée hier. Maximo Park. Oui, avec leur album... Our Earthly Pleasures. C'est pas naturel. Oui, qui est comme un exercice de diction en soi. Our Earthly Pleasures. Alors bon, c'est une formation qui a été formée en 2000 à Newcastle au Royaume-Uni et puis qui est qualifiée de rock pop indie. Personnellement, c'est pas mon choix de l'année. Okay. Je n'ai pas beaucoup aimé. Je trouvais que c'était très répétitif et un peu fade tout au long de l'album. Mais bon, j'imagine qu'il y a des gens qui peuvent aimer ça. Puis les critiques disent que c'est comme une suite plus ou moins bonne de leur premier album qui avait quand même été vendu à plus de 500 000 copies. Et puis hier, j'ai pris l'album en me disant « Me semble que le nom me dit quoi? » Puis oui, je me suis rendu compte qu'ils ont une tune qui s'appelle « Apply Some Pressure » qui avait été dans le jeu « Burnout Revenge mm-hmm. » qui est un jeu de course et d'accident de char qui est très intéressant. Qui te va bien aujourd'hui. Hein? Ça te va bien aujourd'hui? Oui, avec ben, les gens qui étaient pas là au début de l'émission sont pas au courant de ce qui se passe, mais c'est pas grave. Ouais. Mais en tout cas, bon, c'est moyen. Et quelle pièce veux-tu nous faire écouter? Ben, j'irais pour leur single, qui est Our Velocity, qui est la pièce 2 sur leur album. Alors, on va aller avant ça, c'est Maximo Park. À la chance! Au coureur! Ah, c'est fou, 89 FM, la radio du campus de Trois-Rivières! Machine, chisel me down until I am clean. I buy books I never read, and then I tell you some more about me. Beneath the concrete there's a sound, a muffled cry below the ground. There is a poison in the air, a mix of chemicals and fear. My words are just punches, I'm not sure what they mean. Never try to gauge temperature when you tend to travel at such speeds. Our velocity is it cold where you are the time of the year? You didn't leave a scar. A stream of numbers hit a screen, and you're expected to know what they mean. Throughout the conflict I was serene, I can't outrun the sadness I've seen. Are you willing to resist the people you've never met? The devil's wheel revolves, but it needs to be reset. Never, never try to gauge temperature when you tend to travel at such speeds of velocity. Please tell me, is it cold where you are the time of year? Now am I just waiting for the next chapter? We still Massimo Park à la chance au coureur. Mmh. Puis j'avais un petit commentaire à faire là-dessus. Finalement, je trouve ça meilleur écouter une toune indépendamment que l'album au complet. À petite dose, ça se prend mieux. Ouais, parce que l'album au complet, je trouvais ça pénible. C'était comme tout le temps pareil, tout le temps répétitif. Il n'y avait comme pas de pic. Mmh. Mais on dirait, là, c'était pas mauvais. Juste en écouter une ou deux, comme, tout seul comme ça. En tout cas, bref, c'est à vous de voir. Leur album s'appelle Our Earthly Pleasures. Le dont s'appelle Massimo Park, et l'album est sorti quand déjà? Le 2 avril, qui est sorti au Royaume-Uni, et va sortir le 8 mai aux États-Unis. Et au Canada par le FEMA. Ouais, oui, j'imagine, oui. Massimo Park. Oui, Massimo Park. Massimo Park. On continue avec un groupe canadien qui s'appelle Sleepless Nights. Leur album est éponyme. En fait, c'est un genre de démo, un album de 5 pièces seulement. On écoute Godspeed You Death Wolf à la chance. Au courage. Ça... Christ was born. He was born at all. Décision partagée sur Sleepless Nights, la chanson coureur. Caroline aime moins. Ben, je suis difficile, qu'est-ce que tu veux. T'es une fille à goût particulier. Ben, disons que... Je sais pas, je te connais pas encore tant que ça. Ben, disons que j'aime beaucoup ce que j'aime, mais sur le reste, je suis assez difficile. Mais souvent, j'ai pas de raison, c'est juste, bon, je l'accroche pas. C'est pas un très bon argument, je sais. C'est pas une fermeture d'esprit non plus, t'es ouverte à de nouvelles choses quand même, mais c'est oui. Que t'aimes les choses que t'aimes, et c'est difficile de t'acclimater à quelque chose de nouveau. Ça? Non. Non? Non, parce que je peux avoir un truc qui est vraiment nouveau et accrocher tout de suite aussi. Donc, j'ai pas besoin de m'acclimater. Je peux accrocher sur un truc que je ne connais pas du tout, comme je peux ne pas accrocher du tout et aimer après plusieurs écoutes. Non, je peux comme pas généraliser. Je suis juste difficile à cerner, je pense. T'es une fille complexe. Mais je suis une fille, point. Voilà, c'est comme des mots qui vont bien ensemble. Donc, on vient d'entendre la formation canadienne Sleepless Nights avec deux pièces. On a entendu au début Godspeed You Death Wolf et on vient d'entendre Keep Your Voice Down. C'est un groupe de Halifax au Canada. Ils font dans le shoegaze rock alternatif. Le quoi? Le shoegaze. Shoegaze. Fouillez-moi. Vous pouvez aller les retrouver sur thesleeplessnights.com ou encore myspace.com/thesleeplessnights. Ils vont être en spectacle à Montréal. Montréal, Québec. Montréal, le 18 mai à 20h. Ils vont être aussi plus tard à Waterloo, London, en Ontario, Toronto, Peterborough, un paquet d'autres endroits. Je cherche Nouveau-Brunswick. Je regardais s'il n'y aurait pas d'autres Québec qui ont quelque part, mais on dirait que non. Évidemment, dans leur petit patelin là, de, comme ça, là, de la Nouvelle-Écosse. C'est bien ça? Halifax en Nouvelle-Écosse, oui, c'est Halifax, ça? Oui, Halifax, Nouvelle-Écosse. J'étais pas sûr, c'était pas écrit, fait que j'étais pas sûr. Tu connais bien ta géographie. Tout à fait, ça et l'histoire, voilà. Les membres du groupe sont A.A. Wallace, Mary Cobham, Jeff Pinault, Trevor Murphy, Josh Potier, Andrew Sisk, Matthew McDonald et plusieurs autres. Ils sont beaucoup? Oui, c'est une belle gang, on dirait. The Sleepless Nights, c'est bon, un groupe ambiant indie rock sous l'influence de la scène de Halifax du passé et du présent, avec plusieurs artistes, vocalistes, etc. The Sleepless Nights essaient de varier leur musique tout en maintenant un son cohérent. Voilà, c'est ce que ça dit. C'est bon, hein? Oui, très beau. On va se permettre une troisième pièce. C'est ça que j'aime des semaines où on reçoit vraiment, vraiment pas beaucoup d'albums. Ouais, alors on va pouvoir se permettre de mieux connaître les artistes. C'est peut-être, qui sait, peut-être que je vais aimer ça la troisième pièce. Hein, pourquoi pas? Je suis en train de compter, on a 15 nouveautés cette semaine. C'est pas beaucoup. Environ, c'est vraiment pas beaucoup pour rentrer 3 heures, c'est ça. Donc on s'en permet, voici une troisième pièce de Sleepless Nights, Too Many Ghosts à la chance. Au coureur. Au 89.1 FM, la radio campus. De Trois-Rivières. C'est fou. so much. Ooh, ooh, ooh. I can't sleep without you. Formation canadienne Sleepless Nights avec leur album éponyme et la pièce Too Many Ghosts, troisième extrait qu'on vient d'entendre de cette formation à la chance. Au coureur. Ouais. Hey, j'ai quand même mieux aimé cette troisième pièce que les autres. Tu vois, faut s'acclimater aux choses. Ouais, comme mais ça. Je pense que oui. Donc, très, très bon groupe, Sleepless Nights. Pour plus d'informations, comme je le disais tantôt, allez voir. Ben, en fait, je ne l'ai pas dit encore dans l'émission. Allez voir le www.unechance.com, qui est le blog de l'émission où tous les liens des artistes finissent par se retrouver un jour. Un jour. Des fois, c'est long, mais la patience est une vertu. C'est ce qu'on dit. Mais il faut être patient parfois avec on toi. Oui, c'est ça. Ben oui. Ben, si vous me connaissez, il faut être patient dans tout. D'accord. Je suis fiable, mais avec le temps. on change complètement de style pour passer à une artiste que j'affectionne particulièrement depuis plusieurs années même, je dirais. Ouais. Pascal Picard, qui vient tout juste de sortir avec le reste de son band, le Pascal Picard Band, un album qui s'appelle « Me, Myself and Us ». Et je l'ai eu en entrevue très récemment ici, dans les bureaux de C'est fou, via une ligne téléphonique. En espérant que le son sorte bien. Ouais, c'est ça, j'espère. On va l'entendre une pièce, en fait, qui est une de ses premières pièces à avoir vraiment tourné sur les ondes de C'est fou. Elle s'appelle A While. Et la raison que je la porte, c'est que la chanson a vraiment changé. Ils ont vraiment rajouté des instruments dessus et plein de belles choses très divertissantes à entendre. Et on en parle dans l'entrevue un petit peu de cette chanson-là. Donc, c'est pour faire un lien. Et après ça, l'entrevue va suivre. Voici A While de Pascal Picard à la chance. Au courage. très incroyable, ben oui. Bienvenue à notre émission, La Chance au Coureur. Merci. Commençons, tiens, par une question simple un peu. Pascal Picard, c'est pas juste toi, c'est aussi le Pascal Picard Band. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des autres membres et vos rôles au sein du groupe? Ah, ben facilement. Moi, j'ai rencontré Mathieu il y a environ 2-3 ans, qui est le guitariste, un gros fan de reggae. Il a joué dans des bandes de blues. Je pense qu'il fait de la musique depuis qu'il a 6 ans, puis là, il y en a 31. Là, Mathieu connaissait notre drummer Stéphane Rancourt. Lui, Stéphane a 38 ans, il fait de la réalisation, très bien gros sur le jazz. Puis lui, il connaissait Philippe Morissette, qui a joué à 10 ans dans un hommage à Pearl Jam. Puis c'est ça, là, dans le fond, on a commencé à jouer ensemble il y a environ 2 ans, je pense. Puis on a commencé à travailler sur notre album. On est rentré en studio dans le mois de février l'année passée. On a fait 4 mois à Morin Heights, c'était vraiment, vraiment cool. Puis, c'est ça, dans le fond, là, l'album est sorti il y a exactement un mois aujourd'hui. Mm-hmm. Puis, on est super contents. C'est un groupe d'expérience. Pardon? Vous êtes un groupe d'expérience. Ouais, ben, je pense que surtout les gars, là, moi, ça. Ben, dans le fond, ouais, moi aussi, ça fait un petit moment que je fais mes affaires, mais ils m'ont beaucoup apporté, justement, parce que moi, j'ai appris à jouer de la guitare tout seul, puis, j'étais pas nécessairement technique, je savais pas 1, 2, 3, 4 les temps, puis tout, là, j'étais vraiment pas là-dedans, fait que c'est sûr que. Eux, avec leur expérience, m'ont permis d'apprendre plus à jouer avec un band, justement. Ouais. Il y a beaucoup de gens aussi, autres que juste le band, qui ont travaillé sur l'album, à la production, à l'enregistrement, entre autres. Ouais, on a eu... c'est ça, on a fait ça à Montréal, chez les Frères Grands. On les connaissait pas avant, mais justement, il y avait une bonne réputation de travailler avec le Cirque du Soleil, Lily Fatal, Bran Van. C'est ça, on est tombé en amour avec le studio, puis avec les gars, dans le fond, c'était un genre de grand chalet avec des mezzanines partout, c'était tout vitré, c'était au top d'une montagne. Ça a vraiment fité avec notre genre d'ambiance à nous autres. On était un petit peu moins corpo, tu sais, des genres de studio avec des boots, puis plus conventionnel. Ouais, stérile, exact. Puis c'est ça. On est tombé en amour avec la place, avec les gars, on s'est super bien entendu. Ils ont pas essayé de nous diriger, dans le fond, ils nous ont pris comme on était, puis tout le monde a apporté son idée. Il n'y avait pas de grand chef, là, dans le fond, là, c'est pas de discipline, pis tout, c'est vraiment cool. Puis eux connaissaient Vlado, qui est à New York, je crois, là, avec Sony, pis c'est lui qui a fait le mastering. OK. Wow. Mais justement, ça m'amène à parler de ça. La musique a vraiment changé, j'ai trouvé, entre le démo et l'album, tellement que certaines pièces sont vraiment méconnaissables, genre A While. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est des influences de radio commerciale, peut-être? Non, je pense que ce qui s'est passé, en fait, c'est quand on a enregistré l'album des Pourris de Talent, ça faisait pas longtemps que le band était ensemble. La version A While, qui est acoustique, c'est à cause qu'on n'avait pas encore réussi. On avait essayé une version de While, mais qui était comme funk, puis... Justement, le band commençait à travailler ensemble. Moi, j'avais une idée bien particulière de... Non, dans le fond, c'est ça. J'avais pas d'idée d'où je voulais aller, mais je savais ce que j'aimais pas. Puis là, à partir du moment que quand la version a sorti funk de même, là, j'ai vraiment pas messé. J'ai dit, bon, mais c'est correct. Sur l'album des Pourris de Talent, je vais la faire acoustique. Comme ça, elle va rester... elle va garder le sens même de la tune. Ben, comme dans l'émission, un peu. Ouais, c'est ça. Tu la faisais live, c'était plus acoustique. Ben, c'est ça, exactement. Sauf que quand on est allé la faire live avec le band, c'était la deuxième fois qu'on y allait. Ben, moi, j'étais allé une fois. Puis après ça, on est retourné une autre fois avec le band. On a eu le temps de pratiquer une fois. Puis la chanson a sorti. Je suis même plus capable de regarder l'émission, là. C'était pathétique. Non, ben, voyons. Ben, en tout cas, pour moi, là. Ouais, c'est ça. Mais avec le recul, ouais, c'est ça, exact. Mais même sur le coup, c'est ça qui a fait sur le coup qu'on a décidé de faire la version acoustique. Puis Thinking of It, c'est une chanson, on a eu le temps. On a eu juste une journée de studio pour la faire. Puis je pense qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore la même expérience. Je pense que c'est juste ça. On n'a pas vraiment eu de ligne directrice pour faire l'album, en fait. On est rentré là avec les ébauches de ce qu'on avait fait. On a fait de la pré-production ensemble avant, chez mon drummer, qui avait tout l'équipement pour faire ça. Puis rendu là-bas, on a juste travaillé tout le monde ensemble, on s'est assis, puis on faisait, genre, instrument par instrument, puis on se donnait nos avis sur tout. On a vraiment peaufiné ça à notre goût, dans le fond. Mmh. Moi, c'est ce que j'entendais que tu disais sur le nom de l'album, Me, Myself and Us, que c'était, ça représentait ce que vous êtes tous ensemble comme groupe, mais en même temps, c'est aussi personnel à toi. Exact. Mmh. Comme les textes, par exemple, ils ont l'air très personnels. Oui, absolument. L'inspiration vient d'où? L'inspiration vient beaucoup de moi, mais beaucoup de moi, mon quotidien, les situations que je vis, là, c'est ça, c'est des textes très personnels, mais ça vient aussi de l'entourage, dans le fond, ou de ce que j'observe, là, dans le fond. J'ai pas de thème en particulier. Quand j'écris une chanson, dans le fond, je veux pas aborder quelque chose en particulier. Souvent, je parle d'une émotion ou d'un truc que j'ai vu, puis ça me conduit à une conclusion sur quelque chose, ou de, c'est, dans le fond, là, j'ai pas de ligne directrice, c'est vraiment, je vais au feeling, là. Puis je pense qu'en général, ça donne que j'étais assez, J'étais assez centrée sur moi-même, finalement. Ah, quand même, ça donne un bon résultat. Hein? Merci. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des spectacles qui s'en viennent pour le band et toi? Oui, ben moi, dans le fond, ouais, c'est ça, on joue ce samedi à Québec, au Petit Champlain. Puis on fait notre spectacle, premier spectacle à Montréal, le 1er juin de l'Arte. À part ça, là, pour le reste, on est encore en planification des shows, parce que dans le fond, c'est ça qu'on aime, faire des shows, nous autres. Mm-hmm. C'est là qu'on a le feedback vraiment du monde. Puis depuis un mois là, que l'album est sorti, on voit vraiment une différence dans le spectacle. Les gens, ils chantent les paroles, puis c'est vraiment, vraiment cool. Fait que c'est ça notre plan, là. Mais mm-hmm. pour l'instant, on n'a pas d'autres dates. Aussitôt qu'on en a, c'est sur le site. Trois-Rivières, par exemple? Trois-Rivières, ben oui, ça faisait vraiment longtemps qu'on voulait y aller, en plus. Ouais. Puis on a fait avec David Dacheux, sa première partie. OK. Puis, c'est le fun parce qu'à la fin, il y a bien du monde qui ont dit « Je connaissais même pas des jeux de show, on est vraiment venus pour vous voir. » Mm-hmm. Puis là, c'est ça, on est en train de regarder pour Trois-Rivières parce que je pense que c'est justement votre radio. Là, on était numéro 2 à l'année avec Gaston et tout, c'est ça. Ah, ça a beaucoup tourné. Mais. Ben, c'est cool. Merci à vous autres, mais c'est ça, on veut venir à Trois-Rivières. Là. Cool. On peut avoir plus d'informations sur votre MySpace, sur votre site web? Oui, exact. Le MySpace, c'est myspace.com/Pascal Picard. Puis le site internet, c'est pascalpicard.com. Mm-hmm. Une question que je demande souvent, j'aime bien demander. Peux-tu essayer de me convaincre d'acheter ton album? Si, mettons, je suis quelqu'un qui ne connaît pas du tout Pascal Picard, ce qui n'est pas le cas parce que j'adore ce que tu fais. Mettons que je ne connaissais pas ça, convainc-moi. S'il te plaît. C'est ça le problème. Moi, je ne suis pas vendeuse deux secondes, mais je veux dire que... Caroline. Te convaincre d'acheter l'album. Mmh. Voyons, c'est la pire question. C'est la question qui demande le plus d'inflation. Mais moi, je pourrais dire que c'est un album sincère, dans le fond. Puis, c'est pas de flash-là. Ça a été fait avec notre cœur. Puis, c'est ça. Ça dépend quel. Je pense que c'est quand même de la musique facile à écouter. C'est pas du progressif ou des. C'est accessible, oui. C'est ça, c'est accessible, merci, ouais. Je pense que c'est ça. C'est de la musique quand même assez accessible, mais c'est de la musique réfléchie. Là, on n'a pas essayé de faire. C'était pas dans le but de faire de la musique accessible. Une autre question comme ça, qui m'est venue. Le vidéoclip pour Gate 22, j'ai vraiment aimé ça. Est-ce que c'était ta première expérience? Est-ce que tu as aimé ça? Est-ce que tu as hâte que ça se refasse? Vraiment, ben là, on vient d'apprendre qu'on avait eu une subvention pour faire un autre clip, puis on a vraiment, vraiment hâte de le tourner, parce que Gate 22, ça a été particulier. C'est des le réalisateur, Gabriel, on le connaissait déjà. Puis, il est arrivé avec un bon concept. Puis, le but, c'était pas d'aller faire. Il y a personne qui a été vraiment rémunéré pour ça. Tout le monde est allé avec son cœur. On a dormi 2 heures par nuit. T'sais, dans le fond, tout le budget du vidéoclip est sur la pellicule, parce que ça coûte plus cher à filmer là-dessus. Puis, les billets d'avion, mais le reste, t'sais, c'est les figurants qui sont là, sont tout fait ça gracieusement. Notre producteur de vidéoclip, elle a cogné aux portes pour demander au monde si on peut aller sur leur range pour filmer. Le truck, c'est la même affaire. Fait, pour nous autres, c'était vraiment un beau travail d'équipe, puis je pense que c'est ça, c'est... Le même principe qu'à l'album, dans le fond, tout le monde a tellement mis son cœur là-dedans, puis il a tellement cru que ça donne un résultat dont on est vraiment doublement fier, finalement. Là. Puis là, c'est ça, avec Smilin, on va travailler avec la même équipe pour filmer ça. Puis ça aussi, j'ai vraiment hâte. Cool, la pièce Smilin, hein? C'est bon. Ouais. On va aller entendre une autre pièce de l'album Me, Myself and Us, et j'aimerais que tu puisses en choisir une toi-même et me dire si tu l'aimes particulièrement, pour quelle raison. Oh! Carlin, ça aussi, c'est un choix difficile, là, je les aime beaucoup, mais je pense que Smilin, ça serait, j'aimerais ça l'entendre. Justement, cette chanson-là, elle représente beaucoup pour moi, à cause que c'est la dernière qui a été écrite sur l'album. Puis ça parle, c'est justement, quand j'ai, comme fait la synthèse, j'ai réalisé que l'album allait sortir, puis que, qu'est-ce qui pouvait nous attendre, puis tout, ça m'a inspiré, cette chanson-là, puis je l'aime beaucoup. Bon, ben, c'est parfait, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui te remercie. I can see the crowd around me. It's getting bigger, and as it is, I'm trying to figure out why I feel so isolated. I have my friends, but don't have much time for them. I have my house, a tiny pocket in the luggage. I have my boyfriend, but he's also tired of listening to me. Every single day seems like a mountain to climb. Every single word takes all my strength to get it out. I'm tired of talking about me, but in fact it's the only thing I get a grip on. I really feel like I'm not gonna make it. Pascal Picard. Smiling de son album Me, Myself and Us à la chance au coureur. Ah, j'ai aimé ça. C'était vraiment bon, ça. Mais je le connaissais pas. J'ai beaucoup aimé ça aussi. Je trouvais ça très bon. Je sais pas si elle aimera pas peut-être ma comparaison à Alanis Morissette. Je trouvais cette pièce-là, ça faisait vraiment la petite voix. Ouais, la voix à la fin, surtout. Hein? Mais c'est tellement une bonne artiste. Elle a une belle voix. Elle a des bons textes. Son band est génial. Le résultat est super bon. L'album Me, Myself and Us. On va entendre d'autres pièces dans la troisième heure de la chanson coureur, mais pour l'instant, c'est la fin de la deuxième. Oui. Et on rappelle que vous êtes toujours à Cifou 89.1 FM. Oui, la radio la plus impressionnante du monde. Au monde entier. Au monde. Reste avec nous. Et c'est la chance au courant, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à Cifou pendant la semaine qui vient tout juste de se terminer. Avec oui, parce qu'on est vendredi. Oui, c'est ça, on est vendredi ou peu importe le jour où vous écoutez. Ouais, en rediffusion, mais présentement en direct. Donc, appelez-nous parce qu'on est en direct présentement. Je rappelle, le numéro, c'est le 819-376-5183. On ne le dira jamais assez, 376-5183. Et passez par notre site web pour voir les liens des artistes, pour télécharger l'émission de la semaine et pour nous envoyer des commentaires sur le www.cifou.ca ou www.unechance.com. Voilà. Ça se complète, ces deux sites qui vont main dans la main. Ouais. Un peu comme vous à la maison et nous en studio. Est main dans la main, mais reliés par l'esprit. C'est ça, main dans la main pour la maison des gens. On entend une dernière pièce de Pascal Picard. Voici, pas une dernière. On va en passer une troisième pièce de Pascal Picard. Voici Thinking of It à la chance. Au courage. Kiss of nicotine, suddenly awkward smoking, and another promise up high on my list of promises never kept. As I walk along this cold, wet street, hoping to cross Mr. Right, some stupid weirdo cracks my silence, barking at me. A little girl, wanna go for a ride? Another shitty day, better let it slide. For a moment, it made me stop thinking of it. Back home and scream, but I don't think it was loud enough to bury that sadness, cause it really doesn't seem to become weaker. Now where's my pride as I search for pennies? I leave a note on the table that no one's gonna read. More reasons to blame myself as if I haven't got it all figured out. I'm so sorry, but not that sorry, cause for a moment it just made me stop thinking of it. Thinking of It de Pascal Picard. Le nouvel album s'appelle Me, Myself and Us. Voulez-vous qu'on fasse les fous? On va faire les fous, absolument. On se défoule avec une autre pièce encore. Unconscious Liars. À la chance. Au coureur. Place. Make them shut up, I really need a few minutes grace. They'll say we're stupid if we leave, and I'll call us chicken shit if we stay. What would you be ready to die for? Our hopes, they're the lost. Steal that dream from the sewers. They might not even know they are bullshit in us. So forget. Don't you know they won't? They always say they know exactly how it feels, and probably tell you they fought something similar. When they swear they understand, it doesn't mean that they won't try to stop you from getting better. And if they try to do anything to smash our hopes, they're dumb, lost, steal that. They might not even know they are bullshitting us. So forget. Fucking car, I wanna get out of here now. We don't need any direction, let you say we're going far. I know I'm telling you what to do, I might be kind of a liar too, but we'll always find our way back home. We'll always find our way back home. They always say they know exactly how it feels, and probably tell you they bought something similar. Where they understand, it doesn't mean that they won't try to stop you from getting better. And if they try to do anything to smash our hopes, they're dumb, lost, steal that dream from the sewers. They might not even know they are bullshitting us. Conscious Liars, une pièce du nouvel album de Pascal Picard, Me, Myself and Us, à la chance! Au courant! Vous êtes avec Mathieu Plante et Caroline Cloutier, ou plutôt Caroline Cloutier, ainsi que aussi, mettant en vedette peut-être aussi, Mathieu Plante. Oh, si t'es galant! Ah, les filles d'abord. Donc, Pascal Picard, on a entendu plusieurs pièces d'elle. Quatre douzaines, je dirais, qu'on a entendu jusqu'à maintenant. L'album est génial. Hein? Oui, c'est très bon. Allez vous procurer ça. Si vous voulez que les artistes de la relève tels que Pascal Picard, et surtout Pascal Picard, sortent d'autres albums plus tard, il faut les encourager en achetant l'album au lieu de simplement vous le copier, vous le procurer de façon... légale. Ouais, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Ouais, c'est le mot de chercher. Et je fais jamais ça. Jamais, jamais. Maintenant, on passe à une compilation de l'étiquette Red Ink Music. C'est un CD, en fait, de différentes pièces de différents artistes, dont Kings of Leon et un paquet d'autres affaires, dont Black Rebel Motorcycle Club. La raison que je voulais le passer, c'est qu'une pièce d'une formation qu'on a entendue depuis les dernières semaines, assez fou, c'était dans les palmarès pendant plusieurs semaines. C'était Peter, Bjorn and John avec leur pièce Young Folks. Pas capable de se du tout, du tout. Ah, oh, mais c'est vraiment pas compliqué pourtant. Pas grave, on va laisser la pièce le faire à notre place. Voici la version remix qui s'appelle Punks Jump Up Young Folks de Peter, Bjorn and John et ça commence maintenant. À la chance. Au courant. Ça a l'air vraiment différent à date, mais bon, j'aime ça. I would go along with some Bjorn and John avec le remix Punk's Jump Up. C'était bon. Ben, tu dis que c'était bon? Oui, c'était bon. C'est 7 joyeux, minutes de plaisir. Wouhou! Wouhou! On danse. C'était la chanson au courant, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est fou pendant la semaine qui vient tout juste de se terminer. À C'est fou 89 FM, la radio la plus impressionnante au monde. Au monde entier. Hein? C'est sûr, oui. C'est la plus grande, la plus merveilleuse, la plus magnifiante. Tu tartines épais, là. T'en as quand même un petit peu trop. Ouais, ça devient plus crédible. Non, mais c'est bon. Quoi de meilleur qu'une toast avec plein de confiture? Ah oui, ou autre produit, là, du Maple Spread. Du Nutella. Oui, du beurre peanut. Non, ça colle des dents. Ouais. Beurre? Ouais. Margarine. Un ou l'autre, non? Trop long la conversation là-dessus, OK. On me dit que c'est beaucoup trop long. Passons à la musique, non. Enfin, c'est bien de connaître nos habitudes de déjeuner. Oui. Captain Crunch depuis hier. Oh oui! Pop tarte au chocolat. Vous écoutez La Chance au coureur avec Mathieu Plante et Caroline Cloutier, l'émission la plus pertinente de C'est fou, 1. Oui. La plus divertissante, 2. Oui. Et la plus prétentieuse, 3. Ben non. Non? Non. OK. On continue avec un artiste... Bon, premièrement, vous savez, à la Chance au coureur, on reçoit des boîtes, des caisses, je dirais des crates, comme on dit. Des crates. C'est full anglophone. C'est ça. De nouveautés à chaque semaine, on les reçoit, on les trie à la volée, on les diffuse, on sait pas vraiment à quoi s'attendre avant. Et là, on a reçu un album de... Thomas Hellman. Qui s'appelle Departure Songs. Et si vous écoutez, c'est fou moyennement souvent. Moyennement fréquemment, on pourrait dire. Vous connaissez un certain Thomas Hellman qui joue souvent des pièces francophones assez fou. Il était sur notre palmarès pendant des mois. Et maintenant, il nous envoie, en tout cas, je crois que c'est lui. Il nous envoie des chansons en anglais. Peut-être que non aussi, peut-être que c'est un autre. On va aller voir. Oui. Écoutons voir si sa voix est la même. Voici The Greyhound Song 1998 version tout de suite à la chance. Au coureur. Assez fou 89 FM. La Radio Campus. De Trois-Rivières. La seule. Riding by the night line on a greyhound northward bound. I smoked too much cigarettes. I drank too much wine. My head is heavy, but the sleep, it just won't come. This road's a long one, and I've got New York on my mind. Far off in the distance, I can see some house lights shine. I've known that kind before, that you can seek but never find. But here in the darkness, I can watch the world go by. Farther from the city, but closer to the sky. When I think of all the days that I've been wasting, riding with no real place to go, I call out to my friends and to my brother. Riding. is rising as we go rolling into town. The Greyhound Song de Thomas Hellman. On entend une deuxième pièce tout de suite? Oui, c'est European Train. À la chance! Au coureur. Et oui, on a vérifié, c'est bien le même Thomas Hellman qu'on connaît, c'est fou. Qui est maintenant anglophone. Ben oui, il fait dans différents styles. C'est correct, ça. Lasting on the minutes and the turning of the planets. And I knew when she was gone that she would stay with me forever. With love that lasts an hour and a bag upon my shoulder. With love that lasts an hour and without her. Her eyes were green as green could be, and green they were as green as me. We were running from the morning, but the train kept on rolling, and every town went drifting by. I didn't know then the dreams could die, and I didn't see it coming. When the train pulled in the station, I didn't see it coming. L'album s'appelle Departure Songs à la chance au coureur, la pièce European Train et The Greyhound Song. Ah, là, là. mélange entre chansons françaises et folk, je dirais. C'est vrai, hein? Oui, c'est vrai. Mm. C'est bon. C'est très doux. Très, très bon. On passe de Thomas Hellman avec Departure Songs à Azela Booth avec Mysterious Body, c'est le nom de l'album. Et la pièce... Ah, c'est ça quand je fais ça. C'est drôle. La pièce s'appelle, attention, Aslin Boss E. À la chanson coureur. Ouais, on est mieux de juste rien dire dans ce temps-là. Ah, c'est fou, 89.1 FM. Cette formation Azela Booth avec l'album Mysterious Body. Au retour, une autre pièce de ça. À la chance. Restons dans l'ambiance. Au coureur. Voilà, au coureur. Maintenant, on continue avec une deuxième pièce de Azela Booth. Oui, Landscape with Grass. Ben oui. D'un paysage avec du gazon. Du gazon. Ouais. C'est fait pour l'été, ça. Ça va sûrement être encore très, très ambiant comme la pièce qu'on vient d'entendre. Oui, c'est spécial, mais en même temps, je trouve ça tellement bon. Oui, ben ça fait rêve. C'est de la musique pour relaxer. Hein? Ouais. Ouais. Un spa, un bain. Oh oui! C'est une excellente idée. Thank you. Acid Abooth. L'album s'appelle Mysterious Body et la pièce, elle, s'appelle Landscape with Grass. C'était en stéréo, ça. Landscape with Grass. Très, très bon, très ambiant. Vous avez remarqué le papa? Le papa, papa, papa. C'est mignon, un petit enfant. Oui. Tout mignon. C'est tellement beau. Malheureusement, on n'a pas tellement d'informations sur le groupe, mais je crois qu'ils viennent de Calgary, en Alberta. C'est un groupe canadien, si au moins je le sais. Les pièces sont presque toutes instrumentales. Et voilà, c'est sorti les... dans le coin de fin d'avril, 23 avril. Maintenant, on continue avec un petit peu d'électronique. Voici Total Destruction. Is the only solution. À la chance. Au courant. Total Destruction. It's the only solution. Oui, oh, avec la pièce Black Summer. J'espère qu'on n'aura pas ça, là. C'était, on était noir, là, même. Ben non, c'est un peu déprimant, hein. Ben oui. Je dis Total Destruction. Donc, le nom de l'artiste, oui, c'est Total Destruction, et le nom de l'album, encore une fois. Total Destruction is the only solution. Évidemment. Ah, c'est une évidence de première. Première évidence. Classe. Ouais. C'est ça. On passe à quelque chose de totalement, mais totalement différent, presque à l'opposé extrême de la musique électronique. On passe du coq à l'âne. Oui, du coq à la poule, vu que ça reste la même musique, il faut prendre l'expression coq à la poule. Ouais, mais c'est tellement différent, ça peut pas être une poule. Ça reste de la musique? Non? OK. OK, non. On va aller entendre... On fera un débat sur les expressions qui veulent rien dire plus tard. On va aller entendre les parasites de la société, Society's Parasites. On m'a dit que c'est un groupe de punk anglophone. Oui. On va aller entendre la pièce Echo Park, qui semble être la pièce titre de l'album. Oh! Oh! Ça change de beat! Oh! À la chance! Au courant! Mais on continue avec une autre pièce de punk. Voici la formation sur Mountain Thrashes avec la pièce Death Cult Social Club. Amusons-nous. À la chanson courante. Ouais. Ouais. Yeah. J'espère que vos haut-parleurs ont tenu le coup. Ouais, mais j'espère que vous avez pensé à baisser le son. Parce que sinon, vous devez avoir fait le son. C'est ça, sinon on vous doit de l'argent, je pense. La formation... From Autumn to Ashes. Avec la pièce Death Called Social Club de leur album Holding a Wolf by the Ears à la chance. Au coureur. C'est spécial. Oui, et on va changer de domaine. En fait, on a un CD sur lequel il y a un gars avec une guitare acoustique. Donc, on suppose un peu le genre de musique que ça peut être. Oui, une petite balade ou de la petite musique bien tranquille. Ouais, mais hein? À noter que le musicien s'appelle Petunia. Ouais, Petunia. C'est douteux. Mais bon, ne jugeons pas, hein, allons voir avant de porter un quelconque jugement. Exactement, ça peut être excellent. Oui, oui, absolument. L'album s'appelle City of Life et la pièce a un nom. Oui, la pièce numéro 1. C'est ça. Il a décidé de ne pas nous envoyer ses noms de pièces. C'est un droit. C'est pas grave. La Constitution permet ça, je pense. À la chance. Au coureur. Here we sit in the Western world, on our thrones made of glass, talking sweetly to one another and eating cheese, hoping no one throws a stone, talking about how to give peace a chance, how to tread lightly on the earth, how to love one another and give peace a chance, how to be just and learn how to be human. How to learn, how to learn, how to be human. How to live and learn how to see the light. How to be human and learn how to see the light. But does anybody really believe in those things? Does anyone really believe that they are becoming better people? And that by becoming better people, the world is becoming a better place? Does anyone really believe in those things? And I guess that I just have not seen the light, 'cause I just don't see it that way. I can see 1,000 poets screaming out in all our names, and I can hear the brokenhearted and our archaistic love's refrain, and I can see their sweethearts crying just because they could not tame a lover. Ah, on n'a pas le choix, c'est de même. Ouais. Ça passe pas le test. Non. Désolé. Non. On va remplacer ça par un petit peu d'heavy metal. Ouais, on va finir en grande force. Ouf. L'artiste s'appelle Job for Cowboy. Si vous pouvez en croire le logo, ça a l'air d'être. C'est très difficile à lire, mais un coup qu'on le sait. Ah, ben c'est écrit sur le côté du CD, Mathieu. Ah, ben gadon, ça vient de leur album Genesis qui va sortir en magasin le 15 mai prochain. Voici la pièce Embedded. Embedded. À la chance! Au courant! Don't reach it. brasse, de la musique qui brase, ça, c'est fou. Tu dis, ça nous réveille. Ouais, ça réveille pas mal. C'était la formation Job for Cowboy. Avec? Avec leur album Genesis, c'est la chanson Embedded. Et oui, c'est un groupe de métal, c'est rare qu'on les passe à la chance au coureur, mais cette semaine, c'était une semaine légère, donc on avait de la place pour tout le monde. Oui. On s'est tassé un petit peu, fait de la place, on s'est réchauffé. Bon. Et c'est la fin de la chanson coureur pour cette semaine. Oui, malheureusement. On couronne notre coureur de la semaine qui, cette semaine, se nomme... Pascal Picard. Avec son album... Me, Myself and Us. C'est comme un jeu de remplir les trous. Les trous de, ouais. Que je t'offre. Ouais. Merci, fun. Caroline. Je suis bonne dans ces jeux-là, je pense. Oui, t'as ouais. Bien fait ça aujourd'hui. Ah, merci beaucoup, Mathieu. Pour ta première fois à la chanson coureur. Oui, j'ai beaucoup apprécié. J'ai bien aimé aussi. La semaine prochaine, toujours la même chose. Oui, absolument. D'autres nouveautés. Donc, Pascal Picard, encore une fois, Me, Myself and Us, c'est le coureur de la semaine. Pour plus d'informations sur elle et tous les autres artistes de l'émission d'aujourd'hui, allez voir le site de l'émission au www.unechance.com ou encore passer par le cifou.ca pour connaître toute la programmation de C'est fou et ce qui nous suit et ce qui va nous suivre... Ce qui nous a précédé dans la programmation d'été. C'est tellement beau. Moi, je vous retrouve à La Connexion avec Caroline, l'émission d'informatique et de jeux vidéo les jeudis à midi, en reprise les samedis et les mardis à midi. La chanson au coureur est en direct les vendredis matin à 10h et les palmarès, c'est fou. C'est le vendredi soir à 17h pour les heures de rediffusion. C'est le cifou.ca. Encore une fois, Caroline, dernière fois, merci. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci à toi, Mathieu. Bonne semaine. Bonne semaine. Et de la part de Caroline Coutier et de Mathieu Plante, à vous à la maison, faites attention à vos genoux. Bonne journée et bonne chance. On discute avec une pièce d'information locale. Voici Andy Zier avec... De leur démo ou album presque complet, Faithless Failure. Voici Prelude to the End à la chanson de voir.